بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Nous poursuivons notre lecture dans cette risala de Thalathatul Usuli wa Adillatuha de l'imam revivificateur de la religion de l'islam dans la deuxième moitié du XIIe siècle, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, avec le commentaire d'un autre imam contemporain, également un imam revivificateur de la religion de l'islam de notre époque, l'imam Abdul Aziz ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous avons vu dans ce qui a précédé, dans le premier cours, un aperçu global sur cette risala de plusieurs points de vue. Et dans le deuxième, nous avons lu ensemble la première introduction de ce livre, dans laquelle ont été mentionnés les quatre points qu'on doit connaître, à savoir l'ilm, l'amal, l'da'wa, l'sabr. Et dans cette soirée, nous allons voir la deuxième introduction. Comme on a vu, ce sont trois introductions par lesquelles ce livre a été entamé. Et ce sont des écrits de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Mais ce n'est pas lui qui les a mis au début de Risalat Thalathat al-Usul. Ce n'est pas l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. C'est certains de ses élèves, comme il a dit Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah dans son hashiya. Donc la première concerne ces quatre points, et la deuxième que nous allons voir aujourd'hui, elle concerne l'unicité d'Allah dans la seigneurie et dans la divinité, et une des implications de cette unicité qui est l'alliance et le désaveu. Et la troisième, également, que nous allons voir aujourd'hui, bi'idnillah, si Allah Azza wa Jalla nous le facilite, c'est une autre introduction dans laquelle l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a expliqué ce que c'est le tawhid et a montré son opposé, l'opposé du tawhid. Il a dit, اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك به معه في عباد أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Donc il a dit rahimahullah, l'auteur de cet épître, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que tout muslim et muslima se doit de connaître et de mettre en pratique les points suivants. Le premier, le fait qu'Allah nous a créés, nous a procuré notre subsistance et nous a pas laissés sans but. Au contraire, il nous a envoyé un messager. Quiconque lui obéit entre au paradis et quiconque lui désobéit entre en enfer. La preuve réside dans la parole d'Allah, dans le sens approché. Nous avons envoyé un messager comme témoin contre vous, de même que nous avons envoyé un messager à Pharaon. Pharaon avait alors désobéi le messager, puis nous le frappâmes d'un châtiment sévère. Le deuxième point, Allah Azza wa Jal ne tolère jamais qu'on lui donne des associés, que ce soit des associés dans son adoration, ni ange rapproché, ni prophète envoyé. Et la preuve réside dans la parole d'Allah, les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Et la troisième question, le troisième point, quiconque obéit au prophète et voue un culte exclusif à Allah ne doit jamais se lier d'amitié avec quiconque s'opposant à Allah et son messager, quand bien même fût-il le plus proche parent. Et la preuve par rapport à cela réside dans la parole d'Allah. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient à Allah et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère, ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur, il les a aidés de son secours, il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée, et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est certes celui de ceux qui réussissent. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذه المسائل الثلاث من أهم المسائل التي تتعلق بالتوحيد. من أهم المسائل التي تتعلق بالتوحيد وحقوقه سبحانه وتعالى عز وجل. إلى ذي ces trois points sont parmi les points les plus importants en ce qui concerne l'unicité d'Allah. الله خلق الخلق ليعبدوه فلم يخلقهم هملا ولا سدى ولا عبثا لكنه خلقهم لأمر عظيم ولحكمة عظيمة فيها سعادتهم وفيها نجاتهم وهي أن يعبدوا الله وحده لا شريك له كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Il dit, rahimahullah, Allah Azza wa Jal a créé les créatures pour qu'il l'adore, pour qu'il l'adore. Il ne les a pas créées inutilement, ni en vain, mais il les a créés pour l'adorer. Il les a créés pour une affaire grandiose et importante et pour une sagesse immense dans laquelle se trouve leur bonheur et leur sauvé. Donc il les a créés non pas sans objectif, mais pour une sagesse immense dans laquelle se trouve leur bonheur et leur sauvé. C'est de l'unifier, cette sagesse, et d'unifier Allah dans l'adoration, et de l'adorer seul sans rien lui associer. Comme Allah Azzajal a dit dans le sens du verset, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. وهذه العبادة أمرهم بها في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم وفي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وفي قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وفي قوله فاعبد الله مخلصا له الدين وفي قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Donc cette adoration pour laquelle il les a créés, il leur a ordonné de la concrétiser dans sa parole, dans le sens rapproché du verset. Ô homme, adorez votre Seigneur, ainsi que dans sa parole, adorez Allah, et ne lui donnez aucun associé. Et également, il leur a été commandé cependant de n'adorer qu'Allah en lui vouant un culte exclusif. في آيات كثيرة أمرهم فيها بالعبادة وهي توحيده جل وعلا وتخصيصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وصلاة وصوم وغير ذلك. Ainsi, dans de nombreux versets, Allah Azza wa Jalla leur a ordonné cette adoration, qui est de l'unifier et de lui vouer un culte exclusif, que ce soit l'invocation, la crainte, l'espoir, At-tawakkul, de placer leur confiance totalement en lui. Ar-raghba, ar-rahba. Également, le désir de sa récompense et la crainte de son châtiment. Ar-raghba wa ar-rahba. والصلاه والصوم et la prière et le jeûne et ainsi de suite. فهو المستحق للعباده جل وعلا دون كل ما سواه ويدخل في ذلك فعل الاوامر وترك النواهي فاداء الاوامر التي امرك الله بها ورسوله وترك النواهي التي نهاك الله عنها ورسوله كل هذا داخل في العباده. وهذا هو الإسلام وهو الدين وهو الإيمان والهدى. Donc Allah, c'est lui qui mérite l'adoration sans toute autre chose en dehors de lui, et rentre dans cette adoration d'accomplir, de se soumettre aux ordres et de délaisser les interdits, car l'accomplissement des actes qui t'a ordonné, qu'Allah t'a ordonné, ou son messager t'a ordonné, et délaisser les interdits qu'Allah t'a interdits, ainsi que son messager, tout ça fait partie de l'adoration. Et c'est ça l'islam, et c'est ça la religion, et c'est ça la foi, et c'est ça la guidée. فلا تصلي إلا لله ولا تركع إلا لله ولا تذبح إلا له ولا تدعو إلا إياه ولا تتوكل إلا عليه إلى غير ذلك من العبادات. Donc ne prie que pour Allah et ne t'incline que pour Allah et ne sacrifie que pour Allah et n'invoque qu'Allah et ne place ta confiance qu'en Allah et ainsi de suite parmi les autres adorations. أما الاستعانة بحاضر قادر فيما يقدر عليه فهذا ليس بعبادة كما قال سبحانه وتعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فإن موسى قادر على أن يغيثه. Il a dit ensuite, رحمه الله, par contre, demandez de l'aide à quelqu'un qui est présent et qui est capable, c'est-à-dire dans la chose dont il est capable, lui demander de l'aide, ceci ne fait pas partie de l'adoration. Comme Allah Azzajal nous a relaté par rapport à l'histoire de Moussa alayhi salam, dans le sens rapproché du verset, l'homme de son parti, celui de Moussa, l'appela au secours contre son ennemi. Il a dit, Cheikh, car Moussa était capable de le secourir. Donc il lui a demandé quelque chose dont il est capable. Il a demandé à un vivant présent. Il a demandé à un vivant et non pas à un mort. Ceci est du shirk. Il a demandé à quelqu'un qui est présent et non pas à quelqu'un qui est absent. Comme ceux qui demandent le secours et l'aide aux djinns. Il faut savoir que les djinns font partie du monde de l'invisible. Et ils ne sont pas avec nous. Yani, on les voit pas. C'est pour ça, il n'est pas autorisé de leur demander de l'aide. Ça, c'est dans le cas où tu as la certitude que c'est un musulman, alors que ceci n'est pas possible à vérifier. Et bien évidemment, ces djinns, excusez-moi d'ouvrir cette parenthèse, ces djinns et ces shayatins, quand ils trouvent des personnes qui ne sont pas armées de science, ils les font tomber dans des égarements petit à petit. Il n'y a qu'à suivre certains qui ont dévié une grande déviance, alors qu'au début, ils n'avaient pas ce genre de pratique dans le cadre de ce qu'ils appellent Ruqya ou autre. Et Shaitan les a menés petit à petit jusqu'à arriver à des choses extrêmement graves, peut-être qui font sortir de l'islam. Et quand on voit ces choses-là, notre devoir, c'est de demander à Allah la protection et de nous raffermir dans sa religion et de prendre des leçons. Ensuite, Cheikh Rahimallah dit « Amma du'a'u al-mayyit wa du'a'u al-gha'ib alladhi la yasma'u kalamak au du'a'u al-sanami au al-jinni au al-ashjari wa nahwiha » فهذا شرك المشركين وهو الشرك الأكبر الذي قال الله فيه إن الشرك لظلم عظيم. Par contre, invoquer le mort ou invoquer l'absent qui ne t'entend pas ou invoquer la statue ou l'idole ou invoquer le djinn ou invoquer les arbres et autres, tout ça fait partie du shirk des mouchriquines. Ça, c'est l'associationnisme qu'avaient les associateurs que notre prophète alayhi salam a combattu. C'est celui-là le shirk qu'ils avaient. C'est celui-là le shirk majeur, il dit shirk. Qu'Allah azza wa jalla a décrit en disant Inna shirka la dhulmun azim. L'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Wa qala ta'ala ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Dans l'autre verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Il a dit, ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera vaine, certainement. Ton œuvre sera vaine, certainement. فالله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أمرنا بتوحيده وطاعته وترك معصيته. Donc Allah عز وجل nous a créé, il nous a accordé la subsistance, et il nous a pas délaissé, et il nous a pas délaissé en vain. Mais il nous a ordonné son tawhid, de l'unifier et de lui obéir et de délaisser sa désobéissance et délaisser la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arsala ilayna rasula huwa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam bi kulli ma taqaddam wa anzala alayhi al-Qur'an وأنزل عليه القرآن بذلك لنستقيم على ما فيه من الهدى ونعمل بما فيه من الأوامر. Il nous a envoyé un messager qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a envoyé avec tout ce qui a précédé le livre d'Allah, la sunna de son prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, l'islam, le tawhid. Il l'a envoyé avec tout ça. Et il lui a fait révéler le Coran afin qu'on suive la guidée qu'il indique et qu'on mette en pratique ses ordres et qu'on délaisse ses interdits. Ala yadi Muhammadin Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam خاتم النبيين والمرسلين جاء ليعلم الناس دينهم فهو خاتم الأنبياء وإمامهم وأفضلهم. Donc tout ça nous est parvenu par l'intermédiaire de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes et des messagers, le dernier des prophètes et des messagers. Il est venu pour nous enseigner, pour enseigner aux gens la religion, et il est le dernier des prophètes. Il est leur imam et le meilleur d'entre eux. فمن أطاع هذا الرسول واستقام على دينه فله الجنة ومن عصى هذا الرسول وحاد عن دينه فله النار. Donc quiconque obéit à ce messager, et suit sa religion, il aura comme rétribution le paradis. Et quiconque lui désobéit au messager et se détourne de sa religion, sa rétribution sera le feu de l'enfer. Comme Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le sens du verset, comme Allah Azza wa Jalla a dit, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum, ya'ni bi a'malikum allati shahadaha. Comme dans le sens du verset, nous vous avons envoyé un messager comme témoin contre vous, c'est-à-dire qu'il témoigne de vos actes qu'il a observés. Il dit Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il témoigne de vos actes qu'il a vu. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Comme nous avons envoyé à Fir'aun un messager. Fa'asa Fir'aun rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Fir'aun a désobéi au messager. puis nous le frappâmes d'un châtiment sévère. أي أخذنا فرعون أخذا وبيلا في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالنار. C'est-à-dire que nous avons saisi Pharaon durement dans la vie d'ici-bas, en le noyant, et dans l'au-delà par le feu de l'enfer. Par le feu de l'enfer. المسألة الثانية إنما هي تحقيق للمسألة الأولى وهي أن تعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كما أنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي خلقك وأعطاك النعم فهو سبحانه لا يرضى أن يشرك معه أحد من الخلق لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما لأن العبادة حق الله وحده كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وكما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. Il dit رحمه الله le deuxième point, il dit le deuxième point vient concrétiser le premier point et le compléter. Et ce deuxième point consiste à ce que tu saches qu'Allah Azza wa Jal ne tolère pas qu'on lui donne des associés, qu'on lui donne des associés dans son adoration. Qu'on lui donne des associés dans son adoration, car comme il est, de la même manière qu'il est le créateur et le pourvoyeur, l'unique créateur, l'unique pourvoyeur, et qu'il est le seul à donner la vie, est le seul à ôter la vie. Al-Muhyi al-Mumit, comme il est le seul qui donne la vie et qui ôte la vie, c'est lui qui t'a créé et qui t'a octroyé tous ses bienfaits. Alors, sache que Allah, gloire à lui et pureté, ne tolère pas qu'on lui donne des associés. Quiconque parmi ses créatures, ni un prophète messager, ni un ange rapproché, ni autre, car l'adoration c'est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah azza wa jalla dit dans le sens du verset, et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. Et dans l'autre verset de sourate Al-Fatiha, c'est toi seul que nous adorons. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et c'est toi seul dont nous implorons le secours. C'est toi seul que nous adorons. Et ici, entre parenthèses, constatez ce style qui a été utilisé dans ce verset, très connu chez les Arabes. Et l'anecdote, c'est que ce style est utilisé même dans les dialectes. Un exemple que citait Cheikh Taqi Dil Hilal al-Maghribi, qu'Allah lui fasse miséricorde, ce grand imam dans le Tawhid et dans l'Aqida, que Cheikh Ibn Baz rahimahullah disait de lui, qui était son cheikh dans l'Aqida. Il dit, rahimahullah, que même dans le dialecte marocain, ce style est utilisé. quand tu veux parler à quelqu'un, tu lui dis كنتكلم معاك. Mais si tu veux, quand tu dis comme ça, tu peux parler à lui comme parler à ceux qui sont avec lui. Mais quand tu lui dis معاك كنتكلم, là, ça démontre l'exclusivité. Tu l'as spécifié par ta parole. Et ta parole lui est adressée à lui exclusivement. Ce style est le même qui est utilisé dans ce verset. Iyyaka na'bud. Car là, comme vous savez en arabe, une phrase verbale comme celle-là, elle commence par un verbe. Ensuite un sujet, ensuite un complément d'objet. Une phrase classique. Mais ici, ça a été inversé. Le complément est placé avant le verbe. Donc vous avez le complément, ensuite le verbe, et ensuite le sujet. Iyaka, c'est un complément. Et donc c'est pour montrer que nous t'adorons toi seul, Ya Allah. Et que nous demandons secours à toi seul, afin de t'adorer. Tu dois adorer Allah seul, et tu ne peux adorer Allah que par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Tawhid, le Coran, depuis son début, depuis le Fatiha jusqu'à Nas, c'est du Tawhid pur. Et malgré ça, vous voyez Shirk répandu d'une manière qui est triste et qui chagrine les cœurs des muwahhidines, à l'instar de leur prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-shirk attristait notre prophète alayhi salatu wa sallam. Et parmi les causes principales de l'éloignement de Tawhid dans notre umma, c'est le jahl. Et le jahl également de notre langue, la langue du Coran, la langue arabe. C'est pour ça que vous trouvez que même les Arabes de notre époque, et surtout ceux qui n'ont pas étudié suffisamment, ils ne comprennent pas le Coran. Ils ne comprennent pas le Coran. Ils lisent le Coran, mais ils ne le comprennent pas. Et ça, c'est quelque chose qui démontre à quel point on s'est éloigné de notre religion. Sahaba radiallahu anhum, les Arabes purs, qui étaient des Arabes purs, ils comprenaient la majorité du Coran. Et les versets dont ils avaient besoin de l'explication de Nabi alayhi salatu wassalam, c'est des versets, yani c'est une minorité par rapport aux versets qu'ils comprenaient. Car comme vous savez dans le Coran, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dans Usul Tafsir, il y a des versets explicites et des versets implicites. Les versets explicites, leur interprétation, c'est leur lecture. Tu le lis, tu le comprends. Et le verset implicite, il y a besoin de revenir au Tafsir. Mais pour nous, il faut qu'on revienne au Tafsir dans tout. Car on a perdu la langue arabe. Illa man rahim Allah. Et ceci est un appel vif du fond du cœur d'un frère qui veut le bien pour ses frères de revenir à la langue arabe et d'aller à l'encontre de cette guerre qui est menée contre notre religion et qui est menée contre notre langue. Car les ennemis de l'islam ont compris qu'en éloignant les muslimines de leur langue, on les éloigne du livre d'Allah et de la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est ce qu'on constate chez les Arabes. Que dire des non-Arabes? Wallahi, c'est une catastrophe. Quand on les voit ici, fil Madinah an-Nabawiyya ou à Mecca, des gens qui viennent pour adorer Allah, font des voyages, ils payent des sommes conséquentes pour accomplir le hajj ou pour accomplir l'umrah, des gens qui aiment la religion, mais qui sont complètement ignorants de ce que c'est tawhid. Ils viennent jusqu'à devant le Kaaba, ils font le shirk. Et le problème, tu ne peux même pas communiquer avec eux. Ils ne comprennent pas l'arabe. En plus que la majorité d'entre eux subissent un lavage de cerveau avant d'arriver ici. Et les mises en garde contre le wahhabia, contre ceux qui n'aiment pas le prophète, alayhi salatu wassalam, et ainsi de suite. Je ferme cette parenthèse. Ensuite, Cheikh Rahimullah a dit, لأن الإشراك به هو أعظم الذنوب وقد جاء في الآيات الكثيرة الأمر بإخلاص العبادة لله وحده والنهي عن عبادة ما سواه فتجمع بين أمرين car l'associationnisme c'est le pire des péchés. Comme certains de nos savants ont dit, si on devait aller dans les lois des hommes, dans les lois des hommes, le pire des crimes, c'est shirk qu'ils doivent mettre. C'est ça le pire crime qui a été commis sur terre. C'est shirk billah. Et c'est le pire des péchés. Et beaucoup de versets, dans beaucoup de versets, il y a l'ordre de vouer un culte exclusif à Allah et l'interdiction d'adorer autre que lui. Donc tu dois réunir les deux. Croire en Allah comme unique créateur et pourvoyeur qui donne la vie et qui ôte la vie, et croire en lui, subhanahu wa ta'ala, qu'il est l'unique à mériter l'adoration, qui mérite le sacrifice, qui mérite la prière, le jeûne, ainsi que les autres adorations, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le verset, wa ilahukum ilahun wahid, wa ilahukum ilahun wahid. Votre divinité est une divinité unique. Et il a dit également dans l'autre verset, فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. N'invoquez donc personne avec Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. وهذه المسألة الثالثة وهي من أهم الواجبات أن يعلم كل مسلم ومسلمة أنه لا يجوز له أن يوالي المشركين أو يحبهم. فكل من أطاع الله ورسوله ووحد الله جل وعلا يلزمه أن يعادي الكفار. Il dit, ça c'est le troisième point. Le troisième point parmi ces points importants que tu dois savoir, que tout musulman et musulmane doivent savoir. Et il est d'une importance capitale. Et il représente une des plus grandes obligations de l'islam, qui est de savoir que le musulman et le muslima ne leur est pas autorisé de prendre comme alliés des associateurs. Il ne leur est pas autorisé de prendre comme alliés des associateurs ou de les aimer. Car toute personne qui obéit à Allah et à son messager et qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala, lui est obligatoire de prendre comme ennemi al-kuffar et de les détester en Allah. Il n'est pas permis de les prendre comme des alliés et de les aimer. Car Allah azza wa jalla dit dans le verset, « La tajidu qawman » « Tu n'en trouveras pas » Parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, tu n'en trouveras pas quelqu'un qui prend pour ami. Pour ami, ça, moi je lis la traduction comme je vous ai dit, mais c'est pas ami, c'est allié, qui prennent pour allié. Et après, il faut comprendre ce que ça veut dire allié. لأن prendre un kafir comme ami, malgré que c'est interdit dans l'islam, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. En résumé, pour ne pas s'attarder sur ce point, aimer le kafir, la règle c'est ça. Notez-la bien et retenez-la bien. Aimer le kafir pour sa dunya est un grand péché. Et aimer le kafir pour sa religion et pour sa mécréance, c'est une mécréance qui fait sortir de l'islam. Un exemple, quelqu'un qui aime un joueur de foot kafir parce qu'il est talentueux, ou qui aime le kafir pour quelque chose de dunya, comme cet exemple-là, ça c'est un grand péché. Et c'est interdit. Et c'est grave. Car ce kafir que t'aimes pour son talent, sans parler du foot et de son jugement, mais ce kafir que t'aimes pour soi-disant son talent, c'est un ennemi d'Allah. Allah, il le déteste. C'est un kafir qui renie l'existence d'Allah ou qui donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça démontre que le tawhid dans ton cœur est faible, mais il n'est pas nul. Par contre, si tu l'aimes parce qu'il est chrétien ou parce qu'il est juif ou pour autre, comme ces choses-là, là, ça fait sortir de l'islam. C'est une mécréance. Et pour vous rapprocher encore, vous savez qu'en islam, il est autorisé pour le musulman d'épouser une chrétienne ou une femme juive. Une chrétienne, c'est une chrétienne qui croit en Jésus. Ou une femme juive, de religion juive. Il est autorisé pour le musulman d'épouser des femmes parmi les femmes des gens du livre, avec des conditions citées dans les livres de fiqh. Donc l'islam qui a autorisé aux musulmans d'épouser une femme comme ça, bien évidemment que l'homme, il aime sa femme. Donc ce musulman, il va aimer sa femme. Est-ce que ceci est interdit? Non. Ceci est permis, car ça fait partie de l'amour naturel qu'on ne contrôle pas. Comme l'amour l'amour de quelqu'un pour son père, ou pour sa mère, ou pour ses enfants. Ça, c'est un amour hubbun tabai, que l'homme ne contrôle pas. Également, l'amour de l'homme pour son épouse. L'homme ne le contrôle pas. Et c'est un amour qui n'est pas sujet de blâme, ni d'éloge. T'es pas loué parce que t'aimes ton père, comme t'es pas blâmé parce que t'aimes ta mère. Quand est-ce que ça devient quelque chose de méritoire? C'est quand tu l'aimes pour Allah. Et quand est-ce que ça devient également quelque chose de méritoire? C'est quand tu détestes quelqu'un en Allah, parce qu'on doit le détester. Hada en résumé par rapport à ce point. Mais par contre, si ce mari aime cette femme chrétienne ou juive, il l'aime pour sa religion chrétienne ou pour sa religion juive, ça c'est une mécréance qui fait sortir de l'islam. Donc tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, tu n'en trouveras pas qui prennent pour allier ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Comme bien même ce sont leurs pères, leurs fils, leurs frères, les gens de leur tribu, t'en trouveras pas. Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il a expliqué le verset, il a dit: Ay la tajidu ya Muhammad qawman ahla iman sadiq يوادون من حاد الله ورسوله. C'est-à-dire que tu ne trouveras pas, ô Muhammad, des gens qui ont une foi véridique et sincère. T'en trouveras pas parmi eux qui aiment ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Dans le sens des versets, ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Certes, Allah ne guide pas les gens injustes. Dans l'autre verset, certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions entre vous et nous l'hostilité et l'antipathie sans déclarer à jamais jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. فلا بد من البغضاء والعداوة لأعداء الله ومودة المؤمنين ومحبتهم. هكذا المؤمن يحب أولياء الله ويتعاون معهم في الخير ويكره أعداء الله ويبغضهم ويعاديهم في الله، وإن دعاهم إلى الله وإن أقرهم في بلاده وأخذ منهم الجزية كولي الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس. Donc il est indispensable d'avoir l'hostilité et de détester les ennemis d'Allah et d'aimer et de manifester l'amour aux croyants. Ainsi le croyant aime les alliés d'Allah. Il s'entraide avec eux dans le bien. Il déteste les ennemis d'Allah. Il les réprouve. Il les prend comme ennemis. Comme bien même il les appelle à la religion d'Allah. Et comme bien même il les fait rentrer dans son pays. Comme bien même il les fait rentrer dans son pays en prenant d'eux l'impôt de capitation, al-jizya, dans le cadre où c'est un gouverneur. Car le prophète alayhi salatu wassalam a pris al-jizya des juifs et des chrétiens et des majous. Les majous, c'est les adorateurs du feu. وأخذ الجزية منهم فيها عون للمسلمين لا محبة لهم، وتؤخذ الجزية منهم إذا لم يدخلوا في الإسلام ولا يقاتلون بل يقرون مع بغضهم في الله وعدم موالاتهم. Donc on prend d'eux l'impôt de capitation et ça renforce les musulmans. On ne prend pas d'eux cet impôt par amour, mais on prend d'eux cette jizya dans le cadre où ils n'acceptent pas d'entrer dans l'islam et qu'ils ne combattent pas, qu'ils acceptent la paix avec les musulmans. Ils laissent les musulmans faire da'wa sans accepter l'islam. On les laisse sur leur religion tout en les détestant en Allah et sans les prendre comme des alliés. فإن أبوا الإسلام والجزية قتلوا مع القدرة وهذا خاص بأهل الكتاب والمجوس أما بقية الكفار فلا تقبل منهم الجزية. Par contre, s'ils refusent de payer l'impôt de l'jizya, on les combat tant qu'on a la capacité. Et ceci est spécifique aux gens du livre et aux majous. Par contre, les autres kuffars, on n'accepte pas de l'jizya. Il faut les combattre jusqu'à ce qu'ils entrent dans l'islam, comme les païens, les communistes, et ainsi de suite, que, parmi les kuffars. Allah Azza wa Jalla dit, car Allah Azza wa Jalla dit dans le verset, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement Allah. Donc ça, c'est un dalil général, duquel ont été spécifiées les trois catégories citées précédemment. Les juifs, les chrétiens et les majous, desquels, les musulmans, prennent le jizya et les acceptent, même s'ils refusent l'islam. Et bien évidemment, il dit cher quand on a la capacité. Quand on a la capacité. Car rien n'est obligatoire sans la capacité. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a dit: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Sache qu'Allah te guide vers son obéissance, que le hanifiya, la croyance droite et juste d'Ibrahim, consiste à adorer Allah seul. En lui vouant un culte exclusif. Et c'est ça qu'Allah Azzawajal a prescrit à tous les êtres humains. Et c'est la raison pour laquelle il les a créés. Comme il a dit dans le verset, dans le sens, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et la signification de pour qu'ils m'adorent, dans ce verset, est pour qu'il me voue le culte exclusif. Et la chose majeure qu'Allah interdit est l'association, qui consiste à adorer autre divinité que lui. Et la preuve réside dans la parole d'Allah. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui associez rien. Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit dans son commentaire: قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته. جمع رحمه الله بين التعليم والدعاء. Donc l'auteur il dit رحمه الله qu'il a joint l'enseignement avec l'invocation. Il t'enseigne الحق, il fait الدعاء pour toi. أن الحنيفية ملة إبراهيم وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين كالحنيفية. C'est la croyance droite et juste de Ibrahim. L'Hanifiya, c'est la religion et la voie de Ibrahim, qui consiste à adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif. وهي التي قال الله فيها لنبيه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. C'est cette Hanifiya par rapport auquel Allah dit à son prophète alayhi salatu salam: puis nous t'avons révélé, suis la religion de Ibrahim, qui était voué exclusivement à Allah. فالحنيفية هي الملة التي فيها الإخلاص لله. الحنيفية هي الملة التي فيها الإخلاص لله وموالاته، فيها الإخلاص لله وموالاته وترك الإشراك به سبحانه. Donc le Hanifiya, c'est quoi? C'est la religion et la voie dans laquelle il y a la sincérité pour Allah. Il y a la sincérité pour Allah. Et dans laquelle on prend Allah comme unique, et on prend Allah pour allié. On prend Allah pour allié. Et dans laquelle on délaisse l'associationnisme. والحنيف هو الذي أقبل على الله وأعرض عما سواه وأخلص له العبادة كإبراهيم وأتباعه وهكذا الأنبياء وأتباعهم. الحنيف c'est qui الحنيف؟ C'est celui qui s'adonne à l'adoration d'Allah عز وجل et qui se détourne de toute autre chose autre qu'Allah سبحانه وتعالى. Donc le Hanif, c'est celui qui se remet et qui adore Allah, qui se remet à Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'adore seul et qui délaisse toute autre chose en dehors de lui subhanahu wa ta'ala et qui lui voue un culte exclusif comme Ibrahim alayhi salam ainsi que ses suiveurs et ainsi les prophètes et leurs suiveurs. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها فأمرهم بالتوحيد. Donc c'est avec ça qu'Allah a ordonné tous les êtres humains, il leur a ordonné le Hanifiya, et il les a créés pour cela. Allah leur a ordonné le tawhid et la sincérité. Il les a créés pour l'adorer. Et il leur a ordonné de l'adorer seul. Dans leurs prières, dans leurs jeûnes, dans leurs invocations, dans leurs craintes, dans leurs espoirs, dans leurs sacrifices, dans leurs vœux, et ainsi de suite parmi les adorations. Tout ça pour Allah. Comme Allah Azza wa dit, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui. Et il a dit également, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. Il a dit Allah عز وجل dans le sens du verset adore Allah sincèrement en lui vouant un culte exclusif. Et il a dit, ô homme, adorez votre Seigneur. C'est ça l'adoration pour laquelle Allah nous a créés. C'est pour cette adoration qu'Allah Azzajal a créé les djinns et les humains, qui consiste à l'unifier seul et à l'adorer en exécutant ses ordres et en délaissant ses interdits. Et dans le verset, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai point créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire pour qu'ils m'unifient dans l'adoration et qu'ils me spécifient avec leur adoration en faisant les ordres et en délaissant les interdits. وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ. Et la chose la plus importante qu'Allah a ordonnée, c'est le tawhid. qui est de vouer un culte exclusif à Allah. Ainsi, t'adores Allah seul et tu n'adores personne avec lui et tu n'adores rien avec lui, ni statue, ni prophète, ni ange, ni pierre, ni djinn, ni autre. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه وقد قال سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين ولتكونن من الخاسرين إلى شوز. Comme la chose la plus importante qu'Allah Azzawajal nous a ordonné, c'est le tawhid. La chose la plus grave qu'Allah Azzawajal nous a interdit, c'est le shirk, qui consiste à adorer autre avec lui et à invoquer d'autres divinités en dehors d'Allah. Comme Allah Azzawajal dit dans le sens du verset, mais s'ils avaient donné des associés à Allah, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Et dans l'autre verset, en effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras certainement du nombre des perdants. Écoutez ça, ce verset très très bien, mes frères. Allah Azza wa Jalla, il s'adresse à son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, il t'a été révélé à toi ainsi qu'à tous les prophètes qui t'ont précédé. Et il n'y aura pas de prophète après lui, car c'est le dernier des prophètes. Il vous a à tous été révélé, si tu donnes un associé à Allah, ton œuvre sera vaine et tu seras parmi le nombre des perdants. Et dans les deux authentiques, notre prophète alayhi salatu wasalam a été interrogé, quel est le péché le plus grave? Il a dit, quel est le péché le plus grave, le pire des péchés? Le Nabi alayhi salatu wasalam a dit, c'est le fait de donner à Allah un égal alors que c'est lui qui t'a créé. Ils lui ont dit ensuite, il a dit alayhi salatu wasalam, de tuer ton enfant de peur qu'il ait à partager ta nourriture. Ils lui ont dit ensuite, il a dit, de commettre l'adultère avec la femme de ton voisin. Et dans l'autre hadith, le Nabi a dit, voulez-vous que je vous informe du plus grave des péchés? Ils ont dit, oui, bien sûr, au messager d'Allah. Il a dit, de donner à Allah un associé. De donner à Allah un associé. فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة والشرك هو دعوة غير الله معه الله تدعوه أو تخافه أو ترجوه أو تذبح له أو تنذر له أو غير ذلك من أنواع العبادة. Donc, pour finir, il a dit, رحمه الله, التوحيد c'est d'adorer Allah seul et le shirk c'est d'adorer d'autres divinités avec Allah. Tu les adores, tu les invoques et tu les crains et t'espères d'eux, et tu fais des sacrifices pour eux et des vœux, ainsi de suite parmi les catégories d'adoration. Ça, c'est le shirk majeur. Que celui qui est invoqué en dehors d'Allah, qu'il soit un prophète ou un ange ou un djinn ou un arbre ou une pierre ou autre, c'est pareil. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla a dit, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui associez rien. Le terme rien englobe toute autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans exception. Car quand Allah Azza wa dit wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a, en arabe on dit shay'a nakiratun fi siyaqin nahi fatufidu al-umum. C'est un terme indéterminé, cité dans un contexte d'interdiction. Il implique une signification générale. Ça englobe toute chose. Donc quand Allah dit et ne lui associer rien, ça veut dire rien. Rien de sort de ce rien. Vouer l'adoration à une chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est interdit avec ce verset. Et Allah Azza wa Jalla dit: « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » Dans le sens du verset, il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif. La chose la plus importante et la plus majeure qu'Allah a ordonnée, c'est le tawhid, qui est de vouer un culte exclusif à Allah. Et la chose la pire qu'Allah interdit, c'est le shirk, comme ça a précédé. C'est pour ça, وَيْهَذَا أَكْثَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْأَمْرِ بِالتَّوْحِيدِ وَالنَّهْيِ عَنِ الشِّرْكِ. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, dans son noble Coran, il a multiplié les ordres de vouer un culte exclusif à Allah Azza wa Jal et de l'unifier avec nos actes, avec nos adorations. Et il a multiplié également les versets dans lesquels il y a l'interdiction de shirk. Fin de cette partie pour cette soirée. Je demande à Allah que ça nous soit bénéfique et profitable, ainsi qu'à tous mes frères et mes sœurs. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et pour cette soirée, je demande à Allah que ça nous soit bénéfique et profitable, ainsi qu'à tous mes frères et mes sœurs. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.